Arrivé en bus, je repars en BM. La frappe, tu pars comme BM. À mi-temps, c'est à 6 PM. J'ai des vrais colis en DM. J'hésite entre Urus et X6M. J't'allume si t'es XXL. Les keufs font tout en pixels. Le kill descend par Bruxelles. J'suis jamais le bienvenu dans leur partie. L'oseille de la musique mal répartie. C'est pas des vaillants, donc j'suis parti. Omerta Record, j'ouvre la belle. Il me faut les ventes en physique passive. Que des grands ensembles comme ma massive. La bande ne pousse plus là où j'suis passé. J'allume au goût, j'me fais la belle. J'encule ma peur. J'ai pas de cœur, j'enchaîne les temps pleins jusqu'à pas d'heure. 9M toujours présent. Plus j'avance et plus je deviens méchant. J'encule ma peur. Reliqué, j'ai pas de cœur, j'aurai la vengeance du congélateur. Si je t'ai mis dans le collimateur, j'appuie 3 fois sur la gâchette. On va parler toi à l'imparfait. Va falloir que j'y aille. Faut éviter les ronds, donc partout je la répands. On achète, on revend, on arrête, on reprend. Nouvelle cargaison, donc partout je la répands. On achète, on revend, on arrête, on reprend. Avec un peu de bien et de mal en effet. J'ai fumé ton doré mais j'attends les faits. J'suis plus un ange, je sais en effet. On était liés mais on s'est défait. Devant les gens, ils me diront mon frère. Première occasion qu'on se croit à me faire. Je me roule un grip pour me calmer les nerfs. Et on se dit ah dans quelques millénaires. Veulent voler mon flow et veulent voler ma zik. Et c'est mes baby des tout petits nous. Pour eux que des bofs et des coups de genoux. T'es ma tête dégaine, t'as tout chez nous. C'est Yonk, il a bip et mon bigo magique. Ton caillou arrive, j'suis dans le carrosse. Appelle à Paris des tout petits bouts. Genre bibi di bobi di bobi di bou. Tu crois que j't'évite alors que j'maillis. Elle veut savoir j'suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je baille. Mission, il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je baille. Elle veut savoir comment que je m'aille. Tais-toi et profite du moment. Jusqu'à ce que je taille. Je t'ai pas connu avant. Là, dans ma je vais faire ma maille. Tais-toi et profite du moment. Jusqu'à ce que je t'aille. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Là, dans ma je vais faire ma maille. Baby dort maquillé. Je fais couper ma dos toute la journée. Suis dans le barillet. Oh oh oh oh. Elle veut des mots doux mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du blé. Des billets violets. Oh oh oh. Ça met hop sous les flics, parle pas. La peine, la haine part pas. Je n'ai pas ce que je touche chaque mois. Je n'ai pas peur, viens choque moi. Je n'ai pas peur, viens choque moi. No pain, no gain, j'augmente le poids. Baby coupe cette dope, choque moi. Baby prends ça par chaque mois. Il parle pas, il prend la caisse aux mi-auto. Il revient de loin, pensait pas brasser autant. Babe s'endort comme ça, elle coupe la bœuf dans le salon. Elle rêve qu'on quitte le sale, tire dans mon joint, pas le ballon. Je vais faire les choses carrées, mais les bleus font tourner. Quitter la scène de crime avant qu'il passe la craie. Je voyais les choses plus larges, mais y'a pas de concret. Je parle de projet, mais tu me grillonnais. Je fais couper ma dos toute la journée. C'est dans Paris. Oh oh oh oh. Avec des mots doux mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du bien. Des billets violets. Oh oh oh oh. Ça fait longtemps là, chaque fois. Allô, je te dirai quand c'est terminé, quand c'est terminé, quand on rentre. Retire le siège bébé, je suis enfouraillé dans le rang. Vu qu'ils disent ce sont pas des notes, on va pas régler tous leurs problèmes. Fuck ta révolution, on est des vendredis. D'un coup, je veux plus recevoir. On m'a dit que l'amour, c'est leur pendu de voir. J'ai des frères au ciel que je veux plus revoir. Si je suis jaune d'un coup, je veux plus recevoir. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrais le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrais le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Encaissé de qui je t'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui le fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser. C'est trop de la D, c'est plus la même qu'avant. Chacun le croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. J'ai bougé les tismes, j'fais partir le tosma. La zone elle est minée. Vesti les menottes, Charlie Delta au quartier latin, Jogo Jota ou Kiki Lotin. Méchant, méchant, on a gâté le coin car depuis longtemps on est culotté. Oui, elle veut que je vois dans son air. Oui, elle veut le faire dans son verre. Oui, elle veut que je vois dans son verre. Oui, elle veut faire dans son verre. C'est la famille, c'est comme la reçue ou la madame. Trahis-moi, je mets ton body en prime. Est-ce que le revers de la médaille? Shooter qui a plus d'âme, qui lui s'offre un teufre au métal. Papa, pas tout dans sa face. Il a la chance, il est bataille. Dans le top sans sucer, nos lèches comme ma S. Nigro du ce on avant le succès, ce pas. J'prends ma S. J'fume Za et Tushy. Toujours un schlasse comme Chucky. Où j't'arrive à niquer des vies, libérer Faco. Et je m'en fous de. Soit tout en rougeant, je suis loin de. Aucun d'entre nous passera aux aveux. J'suis défoncé, j'suis qu'à mon 22. Sur mon joint de bœuf. Et je m'en vais. J'ai câblé pour toi. Sans intérêt. Maintenant, pas pourquoi. Ce soir, j'ignore. J'fume la zaza. Un tas de tourments qui me suivent. Qui me suivront pour le reste de ma vie. Chez Bedav toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court. Je fais rentrer papel dollar. Je te rappellerai peut-être à l'occasion. J'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vis, les calculs pas. Ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande tes clients, t'as vu dans le coin. Mais tu nous évites, ma Lola. Je sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider pour brune de cocaïne. C'est ma Lola, je connais pas de comme toi. Mais vu que là j'en ai miné, tu vois pas mon vrai visage. Je vais acheter plusieurs calibres. Mes amis seront mes shooters. Mais bon, vaut mieux chuchoter. Les murs écoutent à toute heure. Everyday, toi t'es pas là, gros. Je sais pas, tu parles de quoi. Je sais pas, tu parles de qui. J'espère que tu parles pas de moi. C'est pas joli, joli, je crois qu'il marchait là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. Une fois devant, dis-moi, on fait comment. Cœur au garage accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, puis rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. Dis-moi en fait, meneur de jeu, je sors à la deuxième, numéro 10, démarre en troisième. Très peu d'acquitté vers chez moi, très peu d'acquitté vers chez moi. Trop de bénéfices, je fais que des AR, ça peut t'allumer vers chez toi. Les keufs nous pissent, y'a des affaires à des prix dérisoires. Souvent pétard de Monaco, ça claque des lards à Monaco. J'suis dans le 8ème, visère la coke. Mec du 9-2, on a la cote. J'ai mon broly, j'peux pas douter. J'parle en Gucci, tout est codé. Et mon refrain va pas douter. Un vrai fort qui parle sur toi. On n'est pas encore toi, demande pas pourquoi, c'est mon truc sous le bois. J'ai fait différentes passes, différentes villes, j'ai vu différents keufs. J'ai fait beaucoup d'hôtels, passé des nuits d'hôtels avec différentes meufs. Passé des nuits dehors, un oeil m'a peine dans le bif. J'voulais diamants de l'or, leur mettre plein dans le pif. Pas très bavard, tu sais, ce que ça sous-entend. Ceux qui se stressent disent plus que ceux qui parlent tout le temps. J'connais des solitaires qui sont moins solitaires avec des cartouches. Tu dis que les murs ont des oreilles, mais t'as les oreilles partout. Le monde est méchant, le monde est mauvais. L'argent est méfiant sur tout le monde. J'ai pas beaucoup d'attache, j'ai même pas besoin de rire. J'suis un mec solitaire. On est très solitaire, on est comme les gitans. On est très solitaire. J'fais des erreurs tant que je les perds. J'fais des sous-sols tant que je les perds. Faut faire la guerre si tu veux la paix. J'ai jamais eu la paix tant que je les perds. Mais c'est moi qui leak, carré. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA. Fort, tu veux les filles. Je suis dans le club, tu parles trop fort. 1 million, 2 millions, je veux 800 d'abord. Je connais le vice avant le fisc et tous les accords. Beaucoup de papiers, pas de langue de bois. Bref, c'est ça coûte une jambe. Le monde veut coûter un bras. On fait pas de faute éliminatoire. J'ai cœur en fer comme Terminator. Je les vois de loin comme les miracles. Je suis solide, si tu m'aimes, MMA, fort. Je suis dans le club, tu parles trop fort. 1 million, 2 millions, je veux 800 d'abord. Je connais le vice avant le fisc et tous les accords. Le terrain c'est pas que pour les footers. On vole pas du monde, fait les armes en règle. Frappe de Marais, frappe de Gareth Bale. Ce qui vous raconte mal, y'a d'auteur. Quatre piranhas dans 5 minutes 2. T'as prié Dieu pour que ça s'arrête ma gueule. Où je viens, on mange les requins avec les arêtes. J'ai trop les mains sales, j'suis plus sûr que le pied dans ses. Pas bon qu'à ça, y'a que l'argent dans les pensées. J'ai trop les mains sales, j'suis plus sûr quel pied danser. En fait j'suis pas bon qu'à ça, mais y'a que l'argent dans les pensées. J'suis pas bon qu'à ça, j'suis plus sûr quel pied danser. J'suis pas bon qu'à ça, y'a que l'argent dans les pensées. J'ai trop les mains sales, j'suis plus sûr quel pied danser. On n'est pas chanceux, on a charbonné l'ancien. En vrai l'essentiel, c'est jamais de finir en chien. Et dans le cerveau ça va vite, donc souvent quand j'imagine. Je réfléchis, je fais le tour de la ville, y'a des faits, des traits de la vie. J'suis bien chez moi, mais des fois j'ai envie de partir. Y'a des pensées que j'garde pour moi, y'a des choses que j'peux pas dire. En vrai j'suis pas bon qu'à ça, mais y'a de l'argent dans les pensées. J'ai trop les mains sales, j'suis plus sûr quel pied danser. J'suis pas bon qu'à ça, mais y'a de l'argent dans les pensées. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, j'suis dans Paname, y'a pas distraction. Fais pas d'histoire, sors. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médard. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On vit, on dort la nuit, parfois on est dans le mal, y'a que Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets, y'a pas de retour en arrière. Mais tu restes comme Lester. C'est pas ici qu'ils vont faire les shows. Y'a plusieurs calibres, y'a zéro factice. Toi et tes copains, vous êtes des actrices. C'est pas ici qu'ils vont faire les shows. Y'a plusieurs calibres, y'a zéro factice. Toi et tes copains, c'est la vie qu'on mène. Je crois qu'il y a un changement, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent, c'est la vie qu'on mène. Je crois qu'il y a un changement, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent. Je crois qu'il y a un changement. Je suis trop dégoûté des gens. Quand j'y repense. Quand j'y repense, on n'était pas des favoris. La juge veut nous faire tomber, maison d'arrêt ou bracelet. Depuis mon cœur est en miettes, j'ai très peu d'amour à donner. Le check va pas nous sauver. rappeler. C'est nous les méchants congolais. J'fais les comptes, j'fais les comptes. En même temps, j'regarde qui est bon. Fais du bien, fais du bon, sans qu'ils nous prennent même pour des cons. Tout se passe dans les backstage, on a vu. Mais les mots flatteurs, c'est des faux. Ils veulent nous voir par terre, mon négro. J'fais les comptes, j'fais les comptes. Beaucoup de choses qu'on sait pas, G. Beaucoup trop de jalousie dans la vie. Beaucoup trop de jalousie dans la ville. Vie de voyous, vie de bandit. Quand j'y repense, on était peu à y croire. Elle est belle l'histoire, mais je dis pas victoire. Il en reste du chemin, je vis au jour le jour. Nique sa mère demain, nique sa mère les gens qui nous veulent du mal. C'est pas ici qu'ils vont faire les shows, non. Y'a plusieurs calibres, y'a zéro factice. Toi et tes copains, vous êtes des actrices. C'est pas ici qu'ils vont faire les shows, non. Y'a plusieurs calibres, y'a zéro factice. Toi et tes copains, c'est la vie qu'on mène. J'crois qu'il y a un changement, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent, c'est la vie qu'on mène. J'crois qu'il y a un changement, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent, je suis loin du bâtiment. Mais je fais de l'argent. J'crois qu'il y a un changement, je suis trop dégoûté des gens. Quand j'y repense, quand j'y repense, on était pas des favoris. La juge veut nous faire tomber, maison d'arrêt ou bracelet. Depuis mon cœur est en miettes, j'ai très peu d'amour à donner. Le ciel va pas nous sauver, c'est nous les méchants congolais. Les larmes ne veulent pas sécher, mais vaut vivre avec, apprendre à les accepter. Dis-moi pourquoi l'on saccage ce qu'on contemplait. Personne n'aime la vérité, autant mentir au monde entier. Mais je ne veux pas parler de mes blessures, de peur que tu rajoutes du sel. Mais je ne veux pas parler de mes blessures, de peur que tu rajoutes du sel. Ton temps à plaire aux autres, pourtant les autres ne te plaisent pas. On a bousillé la terre, on fera pareil une fois sur Mars. En réflexion éternellement, comme si le bonheur s'y trouvait. L'amour aussi me l'avait promis, je me suis vite senti douillé. J'ai kiffé dès le synopsis, jolie métisse remplie de vices. Pourquoi j'aime les filles nocives qui coûtent cher comme 10 kilos de shit. Sourire quand il fait beau, sourire quand il fait beau. Peu d'amis quand c'est l'orage. Certaines de nos la bête, yeah. Tout la fait tout la bête, yeah. Plus rien dans leur poche, ils comprennent le malus. Plus rien dans leur poche, ils comprennent le malus. La malice j'écris dans la fontaine de la muse. Ton corps en tableau mérite d'être dans le muse, yeah. Yeah. J'ai le fantasme, un mix comme d'hab. Je prends des pics comme d'hab, pour la mif comme d'hab, pour la mif. J'ai la ligne comme d'hab, elle me fixe comme d'hab. J'ai le style comme d'hab. Runard, Moët. Raffiné pas mauvais, c'est pour ma Marilyn, c'est pour ma Diana. J'suis dans le gala, une chandelle en diamant. J'm'échappe jamais le Gucci, détache de l'écharpe. Par haut des bouquets, on arrache les pétales. Par haut des bouquets, on arrache les pétales. Par haut des bouquets, elle pleure. La plupart des hommes lui ont menti. Espoir anéanti. Espoir anéanti. Dans la pilule de l'usine. Quand je meurs, faites une minute de musique. Dans la pilule de l'usine. Si je meurs, faites une minute de musique. Barcelone Covid. Mon man n'attend pas d'humeur, je donne le sourire au banquier. S'il aurait pas eu la zigme, m'aurait vite déboulé masqué. J'ai vu son body, j'ai flashé mes comportements. Ouais, encore une fois, je suis dedans. Je suis dans son cœur, je l'ai hacké. Me demande pas pourquoi, en dessous la jaquette, j'ai mon Wesson. Une nouvelle journée, un nouveau dossier, et puis on ex. Demande à Landy, à bord du vaisseau, que des vrais hommes. On respecte tout le monde, on allume tout le monde, peur de personne. On rêvait changer nos lives, transac après transac. Comme toi, je voulais fly, ouais. La cabesse en pagaille, je regarde tous les flashs. En pop star, je suis sur la scène, c'est cardio. Je suis jamais où je me sens pas chez moi. Beaucoup de voudraient ma life, or que j'ai moi. Pas que j'ai ce truc sur moi. J'te performe, j'te performe. Les problématiques, c'est la banlieue qui est magique. Trop de talent gâché par la stupe. L'école et ses instincts. Les condés qui nous insultent depuis petit peu, ça nous incite à aller. Faut que je me taise, après ils me font des soucis. Ils brisent des familles et au placard, ils fabriquent des suicides. De Paris jusqu'à Varsovie, papy s'est désauvé. Je reviens pour faire des concerts, imagine, on touche les sommets. J'ai goûté Doc, MC Solar, une patate, un petit coca. Un gros chef, là, de whisky coca, je vise le classique comme Big Pop. Y'a des nouvelles qui donnent le sourire, d'autres qui qui grattent des soupirs. J'ai qu'on finira peut-être fou quand je fais ma joie. J'consume mes souvenirs. J'arrive froid comme le mois décembre. Hein? Froid comme voir une descente. Hein? On est rien, c'est Dieu qui décide la naissance jusqu'à décembre. T'es trop curieux, tu veux savoir la vie que j'ai. J'suis pas Britney ou Bridget. Pour l'instant, j'ai pas pris le jet. Opportuniste, j'suis toujours sur le bon. Une occasion, faut savoir la saisir, savoir la dompter. Parle un peu mal, j'veux faire du foot avec ta tête. J'coupe 600 œufs sur une pâté. Tu vas ta rhum contre une pâté. Moi, j'suis qu'un homme. Toujours du blé, un peu d'écho. J'ai pas fait star que tu dépôt. J'prends pas du bête que du pédo. J'ai pas changé le fusil d'épaule. T'es trop curieux, tu veux savoir la vie que j'ai. J'suis pas Britney ou Bridget. Pour l'instant, j'ai pas pris le jet. Opportuniste, j'suis toujours sur le bon pied. Une occasion, faut savoir la saisir, savoir la dompter. Sur la terrasse d'un hôtel chic, en face de moi des SDF qui me regardent dépenser le fric. J'ai mal au cœur, j'ai pas passé le pire. J'suis malheureux mais ils sont morts de rire quand papa fait le pire. J'suis sur la terrasse d'un hôtel chic, en face de moi des SDF qui me regardent dépenser le fric. J'ai mal au cœur, j'ai pas passé le pire. J'suis malheureux mais ils sont morts de rire quand papa fait le pire. Doué dans la violence et tel père tel fils. J'aurais percé dans ce rap de merde même si j'avais pas fait de fil. Marocain, j'ai fait douter le fisc. J'ai niqué deux tiers de mon existence quand j'ai goûté le shit. Certaines te brisent même si t'es fort. Elles sont comme ces avocats. Elles ont dû viser des formes. Toka, pense à doser tes efforts. Poto, ils sont tellement faibles qu'ils m'ont fait regretter mes forces. C'est pour ça. J'vois que des trous de balles à leur raison. J'vais niquer leur mère tôt ou tard. Le temps nous donnera raison. La cité fait pas traiter. Pisté pour ton tosma. Peuplé par tes rêves. T'es suivi par tes cauchemars. J'ai rêvé de la liberté. Comme orphelin du rock. Mal la cité tue les miens. Donc j'me sors de là, c'est normal. J'me sors de là, c'est normal. J'repartirai légendaire. Quand t'as isolé format. Idéal, j'ai ton thème. J'vois plus. De sous, mais plus de sourires, mon ami, rempli de souvenirs. On faisait face au pire, près des risques. On tournait à deux, je protégeais ton dos, j'élimine. Au frais, je suis rabat, je fais que penser à Watt. Au frais, je suis rabat, je fais que penser à Watt. Je me rappelle l'époque où on fumait de la wax. J'aime trop ma Tessie depuis qu'il peut, je la squatte. Et quand pour toi les sourates, j'avais pas, tu me relances. Généreux, j'avais même pas besoin de demander. On n'est pas de ceux qui se vantent, pas besoin de se voir souvent. Nos délires d'avant risqueraient de me manquer. Attiré par la neuse, ça vendait la résine. T'en mettre dans le naso, fallait du papel. Tu m'as donné de l'inspi, j'ai ramené le platine. En bas, tu m'as porté quand j'étais par terre. J'ai choisi le rap, toi t'as continué dans le stu. Ton âge il est rare, par mon frérot tu t'as plu. Mais dans l'illégal, pour durer ouais c'est tendu. Coup de chien à cavale, t'as pas du gain toujours en plus. J'fais que penser à Watt. Au frais j'suis rabat, j'fais que penser à Watt. Au frais j'suis rabat. J'ai grandi dans ma tête, j'ai perdu dans la fête. J'ai grandi dans ma tête, j'ai tout dit dans la tête. J'serai plus dans le mal, sentimental. Quand tu t'enflammes, j'serai plus dans le mal, sentimental. Quand tu t'enflammes, y'a des soirs on cherche la mort ou une meuf pour donner la vie. Puis y'a des jours où tout s'écroule sur les trucs qui étaient acquis. Alors on devient un peu méfiant, j'rêve plus comme un adolescent. J'donne plus ma force dans tous les sens. J'ai dû écouter tous les samples, tous les vinyles, tous les CD. Chaque compte j'paye en CB, madame la juge, j'suis inséré. Tu peux me rendre mes scellés, tu sais, nous on est des tombes, on aime pas trop quand faut les barres. Depuis petit peu, j'suis à l'écart, j'suis dans la guerre, j'suis dans la war. Ouah, on cache nos sentiments, toujours sérieux comme sentinelle. Dis-moi pourquoi quand je mens, c'est toujours aux gens qui m'aiment. Ouais, ça y est, on est des grands, tout qu'on ouvre des sociétés. Mais on loupe les rendez-vous parce que la veille, j't'ai trop pété. Les cassos de la vie active, jamais on fait comme les autres. On s'en va au casse-pipe parce que nous on est des hommes. Ouais, mentalité chelou, nique sa mère, ça vient de chez nous. Nous on aime les grosses machines, pour la costume, un Z2, un Z1000 ou un Z4. J'crois que la vie c'est que des étapes, donc faut faire ton équipe et garder la même. Départ, nous on avancera groupé, pas de question pour pas douter. Fond deuxième à 140, la poche réussit à la doubler. C'est la faute à la Beluga et c'est la faute à la ruine. Si ce soir on la fait ruine, et bientôt on reprend pas les manières au Provenzano et le Grand Torino. On leur crée des dommages, ils parlent de story normale comme si leur daronne était là. J'ai grandi dans les favelas, tu me fais le gros de ma bella. L'énigme m'a tant de là. L'autre danger au Stondino, dans sa mare, j'en fais t'es dans l'arsenal au carabino. J'ouvre la cabine, mentalité, comportement, il n'y a retour dans rien. J'aime une check sans normal, crimin des normal, même quand la down était là. Bombino de la favela, que des verres en marocain, on fait même chien à l'état win. On va se relever qui c'est. C'est pas mérité. J'ai maillé mon cœur et resté à la cité. rester assis. Ici on a tous ravassé des jours d'été. Tous ravassé des jours d'été. La rue quand ils y allaient, on y était. Quand ils y allaient, on y dans ce game, et si j'ai pris le risque dans 10 piges, faut que ça paye sur une presqu'île. Pour celle qui m'a vu naître une villa, et j'ai des visions assez nettes de milliards ici et là. J'ai mis la gomme tant que j'ai pas mis l'album dans les bacs de la Fnac, les enceintes et les caches, les petites salles et les stades dans l'espace. Je les stages, te laisse sans télescope. Fuck! Avec les années, l'insouciance s'éteint dans notre société, jusqu'au jour où le peuple sous l'État va se soulever. La jeunesse ne pense qu'à se sous l'État, à finir sous l'évier. Tout est gris ici sous les toits, lorsqu'aucun sou n'est fait. Sous l'effet de la peur, beaucoup perdent leur père, mais ont toujours leur daron. Dans ça tombe pas rond. Ok. Tu prends ou... Ouais, j'ai mon verre. Vas-y, j'y vais. Obligé de garder la forme parce que dans le fond je sais que je les termine. Le manager lit les termes pendant que je détermine si je les prends par la gauche ou la droite. Le niveau ne fait que croître. Écarte-toi de mon chemin, man, j'ai la punch, mal à droite. Ok, don't left, va te faire un petit essai, bon laisse. Moi j'ai Restex, venu montrer qui c'est SUS. Au feu ambidextre, à la rime létale. Gratte autant que tu veux, c'est impossible que nos noms s'effacent, de ton nom s'efface. Pour te cerner, Ginos, on part sur quel thème? Non, avec d'argent, c'est pas sur quel thème. On peut parler des petites latesses, de bifas faire ou 6-3. On a leur démarque et des putes qu'on baisse, du dos de la haine, des petits complexes. Non, pas de couplet son, ma daronne écoute mes sons. Mais que des coups de pression. Même la mienne, elle entend mes paroles à choc. Quand je parle de shit et des chats. Shit et des chats. Ouais, pas du chic et des chats. Je repars, check des checks. En bas, ça vend de l'héros. Fais les potas sur Sandero. Le PG ressemble à Jean Reno. J'espère qu'il finira encore. Quand des années au moins de 10 minutes. Et voulez croire que tu diminues. Dommage qu'on puisse pas acheter le temps. J'arrive sur ma rue, fais au moins 10 000 trucs. Je me suis perdu dans mes pensées. Je pars en envoi comme aveugle. Pour faire l'argent, je peux être seul. Tout. Pour faire la guerre, faut être deux. Tu peux perdre des années au moins de 10 minutes. Et voulez croire que tu diminues. Dommage qu'on puisse pas acheter le temps. J'arrive sur ma rue, fais au moins 10 000 trucs. Je me suis perdu dans mes pensées. Je pars en envoi comme aveugle. Pour faire l'argent, je peux être seul, tout. Pour faire la gaffe, faut être deux. J'ai la main droite sur le klaxon. J'ai les yeppies dans le paxon. Payez moins de taxes en spax, en circonflexe, comme accent circonflexe. Sois sur ton texte, les petites découpes. Tout après, me petite écoute. Que c'est nul, même si c'est cool. Que c'est vite, même si c'est full. Que c'est simple, même si c'est fou. Et puis c'est tout. Un petit zé doux dans la poche du petit zé doux. C'est plus grave qu'un pointeur en France. Juste sous psychotique. Mieux vaut un hops qu'un hypocrite. Bah ouais, mon gros, je suis cardin. J'ai la haine, sa mère, ça sort pas. Si tu te déranges trop, monte sur tes grands chevaux. Tes faces qu'on veut, casse-toi. Des années en moins de 10 minutes. Et voulez croire que tu diminues. Je me suis perdu dans mes pensées, je pars en lambeau comme la veuve. Yeah, mais j'aurais pu finir à Saint-Gilles. Je crois que j'allais perdre des années au moins. Hello to my little friend, Poucav. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une tempe. Je suis gang affilié. Comme j'ai mon Beretta, je marcherai jamais seul, mec. Je fais ça comme ça, Dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot tech. J'ai fumé mon cardio. Demande à rap, il satisfait minimum 13. C'est qu'elle a ligue, hein. Elle a mis mon ice. Elle m'a dit, how you doing, babe? Elle a cru que j'étais un requin. T'as mis des easy, tu t'es fait pour Kanye West. Descends un petit peu. Putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. J'ai cru jamais tu crois. The way that I move, they think I'm the president. Yeah, my bitch is the baddest. I think that she heaven sent. Yeah, updated my status. My Margiela Letterman. Yeah, I ran up the millions. It made me a better man. I'm fucking your bitch, why you dating that? I went on a mission and made it back. I got them hoes with Thundercat. Get on the jet, count 100 racks. Ain't selling my soul, ain't none of that. Ricky, you know I drippin' that. I cannot troll the internet. I make a move, it's cinematic. Hello to my little friend, Poucav. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une tempe. J'suis gang affilié. Comme j'ai mon Beretta, je marcherai jamais seul, mec. Mais ça comme ça, Dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot tech. J'ai fumé mon cardio. Demande à rap, il satisfait minimum 13. C'est qu'elle a ligue, hein. Elle a mis mon ice. Elle m'a dit, how you doing, babe? Elle a cru que j'étais un requin. T'as mis des easy, tu t'es plus pour Kanye West. Descends un petit peu. Putain, j'ai trop plein foyer entre ces grosses fesses. J'ai craché mes tubes. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est encore des gueux trucs que je tiendrai pas. Je t'ai promis la lune mais elle se décroche pas. Tu me fatigues, je paye pas l'addition. De toute façon des comme toi y'en a 10 ans. Tu peux en voulait des loves et pas finir à zéro. Faire les totorines, on finira par ruiner. On s'est fait le pari depuis le préau. Que je vais devenir à l'appréhende, je pourrais me retrouver entouré à la craie. On me prend pas la créatine, on fonce et on s'armait au créateur. J'ai oublié c'est la triade, les pieds sur le ciment, t'es perdu, je vais te guider. Sous le matelas, y'a la tiraille, on le sort, mais c'est à quel prix? On ne fait ça pro, je récupère tout ce qu'on m'a pris. Au fond du trou, j'ai réalisé qu'en vrai, je suis seul dans la misère et que je dois m'en sortir sans toi. Chaque combat, je nique ma santé. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. manger les liquides secs. Dans la trappe ils sont 17, 45 gangs ils sont 6-6-7. Là j'suis foncé, je vais zoner porteur matricé comme un Philly West. J'suis dans les délits, wesh. Là j'attaque Kenny West. Est-ce le dino, là comme le pimo, que ta jeune d'Afrique comme le rhino. A chaque kilo, je ferme mes rideaux. J'ai des halois, mais c'est pas des haribos. Instruis leurs membres, on les détache. On fait que passer des caps, monter des étages. Les mains, les plugs, et sur le gainage. Pète la bouteille après passage au péage. Sur moi, j'ai 9 balles, je me sens comme 50. Fin de la prod, son corps est bleu comme Mystique. Crois qu'il est double comme Marilyn 60. Industrie, y'a que des putes comme au district. Et sur le Frisco, je suis avec Frisco. J'attends les Yankees et j'attends le distro. Bambi Frise négro, on fait pas de disco. Sur le terrain, j'ai les passes de Isco. Tu connais, faut les paradis fiscaux. Restez loin pour ne pas qu'ils en disent trop. Tu connais dans le piège, pas de bistrot. Négro, j'attends les paypal de distro. Sur le poignet j'ai des cristaux, j'ai des pierres sur le compte et Monte Cristo. Fuck les 666, fuck mes fisto. J'vois vos rappeurs comme des Cisco. Tu connais sa bibi sec, un litron je les liquide sec. Dans la trappe ils sont 17, 45 gangs et sont 667. Là j'suis foncé, je vais zoner porteur matricé comme un Philly West. J'suis dans les délits, wesh. Là j'attaque Kenny West. Tu connais sa bibi sec, un litron je les liquide sec. Dans la trappe ils sont 17, 45 gangs et sont 667. Là j'suis foncé, je vais zoner porteur matricé comme un Philly West. On a prouvé, on a tout fait, allez ciao. Sont sur le carreau, ils sont KO, c'est des Joe. J'veux du platine, j'veux du diamant comme ton amant. J'en ai 4 sur mon auto, elle veut la Noël. Et au courant d'appel, il compte au ring, elle fait la belle. J'vais plus à l'hôtel, j'ai plus le temps de t'avoir au tel. Tu sais que t'es tout seul, quand c'est le KO. On a prouvé, on a tout fait, allez ciao. Ciao, faut que je quitte Belize rapidement. J'ai fait construire maison deux étages sur un plan. De Renoir dans un quartier posé sur un banc. Arnaud sur un piano entre deux plans. Je les décrédibilise rapidement. Je te laisse sur les temps. J'ai quatre mondes, je les mets pas, mais je suis dans les temps. On parle pas au compte et on parle en prix. Je te parle à pas de galanterie. Des trois euros bien avant l'album. Elle est métisse avec des tom-toms. On connaît les vaisselles à ta hack-kick. Toujours les chaînes pas de zigzag. Le carré glacé comme Antarctique. Comme Khalif le Big Zinc. On n'a pas pété sur un TikTok. Tu connais la fuite, tu connais la suite. Je la baiserai pas, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais c'est pure conne. Trop de liquide comme dans les temps. Je mets les billets, le billet dans. Très charismatique et très élégant. Je mets la sauver à 3-4 balles. Elle croit que tu es américain. Je me sens frais du soleil quand je mets les gants. Tout dans le kit comme dans les temps. Je mets les billets, le billet dans. Je suis charismatique et très élégant. Je mets la sauver à 3-4 balles. Elle croit que tu es américain. Je me sens frais du soleil quand je mets les gants. Toi, n'as pas, je suis plus là à la vue. 1, 2, j'ai les bords dans le rétro. 3, 4, sortie 3, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le peur à foncer fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Non ça va, faut que la vie d'avant. J't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On se comprend avec les yeux. Embrouille, on y va. C'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba. Elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss. C'est pas avec toi que je veux causer. SDM en top tendance. Je suis dans le verre avec Eza. Avec Eza. Au lit d'allemand, je suis cosy. Barreau sur Belize. On ramasse ta sœur et ta cousine. Ah, j'accélère salement. Je suis dans mon lit d'allemand. Hey, je suis payé de ouf, payé de ouf. Ouais, sorti de MG, ok, mon capitaine. Je te suis partout, je monte à bord. J'espère que tu me diras, je t'aime. En Clio, en Aventador. Tu sais très bien que j'ai pas peur. Je me perds dans mes pensées. Je les laisse faire leur jeu d'acteur. Je suis en train de manigancer. MG, ok, mon capitaine. Je te suis partout, je monte à bord. J'espère que tu me diras, je t'aime. En Clio, en Aventador. Tu sais très bien que j'ai pas peur. Je me perds dans mes pensées. Je les laisse faire leur jeu d'acteur. Je suis en train de manigancer. Je suis dans le M8, je fais un tour de Paname. Si le bateau il dérive, je partirai à la nage. Là c'est limite de leur faire un carnage. Gros c'est pénible, rien que ça parle de calage. On a charbonné pendant que tu dormais. Regarde, je suis cerné, moi je trouve plus sommeil. Et dans mes pensées, ça commence à tourner. Je sais plus sur qui compter, je fais que ma sommeil. J'en fais jamais trop, je suis même à l'écran. Fais pas le bandito, ça me laisse la détente. Je me casse pas la tête, en ce moment c'est dead. Dans l'argent, ça va, les lumières, c'est dead. Fais encaisser des bancs, c'est les gants, pépé, gros, t'es dead. conduit la loc. Elle a rayé la jante. Abdelais c'est la Zerbi. Qu'est-ce que t'as roule en petit. Et même s'il y a de la zip, on dit y'a rien, c'est de la Zermi. Business class à aéroport. Elle a vu les sous, vu les scores. Coupé, Capri, hop, les sports. Ma boîte, je descends sur l'échange, puis l'oseille, j'ai mis le bois d'argent. C'est carré, carré. On peut carré. Tout acheter sauf la vie des couilles et la chance. Un pare-balles, c'est deux plaques, un gilet. Pour finir au jetard avec deux plaques, un gilet. Un rasoir. Discret, ça coffret, touché Ginette. Une seule bastos pour faire cavaler 10 mecs. Au bar, je vois du champ invité par Nasser. Comme s'il y avait mon fils qui jouait numéro 10. T'es à fond avec elle, un coup. Mais pour elle, t'es qu'un numéro 10. Ça t'habille pas pour payer ses études, c'est pas la Californie. C'est 9-2, c'est 9-3, la zipette arrive à Paris, Orly. J'ai fait conclusion de départ. J'ai beaucoup de scènes décapées. J'ai fait code de départ. Le staff c'est un ménage. Je me sens plus dans le flash. J'ai beaucoup de scènes, je l'ai pilé. On doit peut-être pour nous faire que beaucoup de choses se sont chérées. J'ai fait un train de vie très savoureux. J'prends plus la pelle, la brouette. Je te laisse la folle, on prend la sourde. On prend l'aveugle, la muette. Je me sens plus ta roulette. J'ai beaucoup de gens à rouler. Beaucoup de sacs, beaucoup de faf. On laisse ta sœur amoureuse. En train de vie très savouré, j'prends plus la pelle, la brouette. J'te laisse la folle, on prend la sourde, on prend l'aveugle, la muette. J'ai mon 38 à roulette, j'ai beaucoup de joints à rouler. Beaucoup de sacs, beaucoup de faf, on laisse ta sœur. 45 ACP, 45 auto. Le CZ ne s'arrête jamais, j'ai gardé le latex. Repars à moto, ring ring, 243 edge. Windu, Phantom, Biné, Warrenois, Ennie en système binaire. Réactive bien les couilles de ton binôme. Si c'est une salope, on me le faire solo. J't'étais en silence, je retombe sous l'eau. Paye dans les dangers, horreur d'harceler. Tous les jours, tu dis, j'ai ça. Défoncé depuis mes 14 piges. Concentré, je suis assez attentif. J'oublie même pas un centime. J'ai pas de Dieu, j'ai peur de l'incendie. Bandit de Montreuil sous moi. Scam le numéro de CB. Trois fois filtre au CB. Cocaïne cuisinée, j'prends du CB. Et la salade de rotaire, elle voit un rota. Un mec a pas la flemme. J'ai même pas le temps de les caillasser. J'prends de la caillasse en bimbi pour pas la flemme. Ça me court sur le haricot. C'est peut-être la fin des haricots. C'est peut-être la fin des haricots. J'ai croqué la pomme, le seum rouge comme l'astico. J'ai pas le cœur d'artichaut, j'suis là pour ton abricot. Touloum, Mexico, j'suis pas le veuf clico. Touloum, Mexico, Touloum, Mexico. J'fume et ça m'appelle, j'paye pas les frais médicaux. J'm'isole dans la jungle, j'fly à Touloum, Mexico. Touloum, Mexico, Touloum, Mexico. Touloum, Mexico, Touloum, Mexico. Touloum, Mexico. J'prends le prochain vol sur un coup de tête. Ici bas c'est la tempête. Je veux voir le monde, je fais mon enquête. Champagne dans l'Airbus, j'ai bien mangé, je suis allongé. EMC, GMT, je peux pas parler, je suis jet lagué. Maman si t'as me fait du pied, soyez fugo qui arde tout pied. Elle a compris qu'on est des hommes. Elle dit je t'aime en espagnol. Sous la lune, sous la clé de sol. Les souvenirs qui me désolent. Les fleurs fanées ont jonché le sol. Les fleurs fanées ont jonché le sol. J'ai la belle vue depuis la villa. J'ai trop rêvé de cette villa. J'ai coulé la tequila. J'ai coulé la tequila. Ils disent que demain c'est loin. Mais je n'attends rien. Moi je n'attends rien de tout. Voilà qui tâle. J'arrive à Toulon, Mexique. Je fais que j'ai un ça fait longtemps que je suis dans le trafic de ces interdits au moins de ces interdits au moins de ces. Mais je sais pas trop à faire, mais je suis là si ça baisse. En ce moment j'ai la poisson, en ce moment j'ai la guine, en ce moment j'ai la guine, en ce moment j'ai la guine. Pour ma petite copine, mais faut qu'elle soit jean, faut qu'elle remplisse son jean, faut qu'elle remplisse son jean. Je suis trop CF, si je sors des épaules, hein. Tu roules tes verres, je suis comme Canan. Tu sais pas tout ce qu'il y a dans ma piole, tu sais pas tout ce qu'il y a dans ma piole. 99 partout, je suis comme Pelé, R10, toi t'es battu comme Cavani. J'ai sorti le brûlé qu'ils ont cavale, j'ai sorti le brûlé qu'ils ont cavale. Tu peux douter que t'es galère de grandement. Ça fait longtemps, ça parle en gros. Ouais, depuis on graille, hein, depuis on graille, y'a toujours la boule au bon devant la patrouille. Tu nous connais, on est là comme on est. J'en ai pour tes veines, nous pour ton nez. Devant son fils, et moi je peux pas dire non. Et au bout du compte, je crois que l'amour c'est un nœud. L'amour c'est un nœud. Bon, vas-y, d'en passe devant un bébé, pas cool. C'est 62 dans mon boubou. Pardon, calibré pour dans le mariage au cas où une envie me grandit sur tout le monde. Bon Dieu, considéré comme les restes de la ville. J'ai la recette de la veille, j'ai la recette de la veille. Tu mangeras la slip check qui vient d'arriver là, moi j'ai décidé. De pas décéder, t'as pu craper CD. Trop dans tes deux, maintenant je suis assidu. Tant que c'est deux, maintenant je suis assidu sur tous ces projets, je veux durer des petits sujets. La plupart c'est vous, vous vous découragez. C'est pas de la rigolade, c'est réel gamin. Et si tu veux du vrai, tu vas lancer des putains. Watching my bridge and close. These girls on a now fuck of course. Shout out Ria, I think she a real one. I fucked on YG's bedroom floor. Thank God that I finally made it. Boy, I was broke as fuck, so I broke the law. Got high as fucking it over my mind. I sobered up and I'm open more. Taking a pick and I throw up. Live yours, don't try be me and live mine. It's fine and say it outside when bro you're indoors. Right now it's my run, but as soon as I'm done, I'm giving my bro the torch. I made my name off a rap, but it's the trap and my bro name I know for. F-Dot get paid off of phone calls. Had a £1 million meeting and the G's though came and we're dressed in formal. London property price too high, so I'm feeling to go and invest in Cornwall. Invest in a thing, I don't wanna be cramped in a back, so it's best it's four door. Ain't got Bluetooth, but it got old score. Bro got cash only, no sort code. I'm thinking of her when I fuck them hoes. Now I'm asking my bro, is that normal? I'm thinking of her, it's the thought that count. 2-2 central, si, casque intégral entre un slip. Chaud comme Centrafrique, on blesse, oublie pas tes centrales chic. Chain and pendant over a kilo. Aftermarket, the rollies retail. In the trap, I countless sleepless nights. We ain't losing sleep over female. Je vais m'arriver, mes vies dans. Tu sais que te donner pas dans le détail. Genre mon talib, la poche arrière, je les fais tous courir comme du bétail. I don't think their intention's pure. I'm watching my bridge and close. These girls on a fuck, of course. Shout out Ria, I think she a real one. I fucked on YG's bedroom floor. What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année, mais ta Walou. En vrai, ta nada. On coupe, on décale. On coupe, on décale. Comme ça, Gadou. C'est les quartiers de France, ça se la fout pour un, ça vient d'où? What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année, mais ta Walou. En vrai, ta nada. On coupe, on décale. On coupe, on décale. Comme ça, Gadou. C'est les quartiers de France, ça se la fout pour un, ça vient d'où? À 15 ans, j'arrivais même plus à Midor. Étant mineur, je courais après la mine d'or. Pourquoi tu calas pas ceux qui veulent ton bien? Pourquoi tu t'attaches à tous ceux qui t'ignorent? Pour des sentiments, y'en a qui sont morts, y'en a qui béton pour pas un centimètre. 9 mm, on l'achète en 2-2. Au Pinel 13, 22 cm. Toujours le majeur le veut au 22-2. Ces flocons, ils pèteraient, ils sont étonnés. Ils arrêteront jamais le bénéfice du 2-2. Le bénéfice du 2-2. Tu veux la retourner, tu vas me la donner. Bâtard, ton or peut sonner. Non, je suis pas son ex, pas besoin de qui je tape pour l'impressionner. La roue va tourner. Quand le bosseur n'est pas payé, il se met à détourner. Fuite à le tournis, j'ai des barrettes, j'ai char, les tiennes, elles sont skinny. Je traîne dans des coins sinistres. Je suis sous absolue, pas sous martini. Je suis écouté jusqu'à Guadamartinique. Ça t'enlève ta tunique et on reste unis. Le feu est unique, dis-moi pourquoi tu nies. Dommage que tu putes trop de la schneck. Sale pute, tu n'auras jamais de cunis. T'es en train de clair, t'inquiète, le massacre est bientôt fini. What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année, mais ta Walou. En vrai, ta nada. On coupe, on décale. On coupe, on décale. Comme ça, Gadou. C'est les quartiers de France, ça se la fout pour un, ça vient d'où? What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année, mais ta Walou. En vrai, ta nada. On coupe, on décale. On coupe, on décale. Comme ça, Gadou. C'est les quartiers de France, ça se la fout pour un, ça vient d'où? Ça m'inquiète. J'ai de l'amour mais y'a la haine qui empiète. Oh Seigneur, où on va? Ton oillette. Souvenirs dans la fumée, les remords aux oubliettes. Je sais pas trop ce que j'ai. J'suis pas dans mon assiette. J'suis pas d'humeur, j'suis pas d'humeur à la fête. Non, je sais pas trop ce que j'ai. J'ai un peu mal à la tête. J'suis pas d'humeur à la fête. Car trop peu me comprennent, maman. Trop de peine, maman. Mon cœur saigne, maman. Je sais que je peux pas faire maintenant. Dans les pires moments, c'est le faire, maman. Et je me sens seul au cœur du peloton. La pression a haussé le ton. Pas, j'ai déjà touché le fond. Je paye les frais de ma dévotion. Du mal à dire je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Moi j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les solutions. La vie enseigne l'amour pourri. Chaque jour j'apprends, je retiens les leçons. Comme quand j'étais au fond de la classe, quand je voulais faire le tour de l'Atlas. Je pars à la chasse pour ma place. Je me déplace, tout s'efface comme les traces. Mais toutes mes valeurs sont tenaces. Je vois la même face dans la glace. Et même corps froid comme la glace. Comme ceux qui font dans les océans. L'impression que ma vie n'est qu'un bateau géant. Tous mes sentiments sont réduits à néant. Tout est gerbé. Le bonheur fait en vivant dans un système assez malveillant. Je crois que le paradis est plus attrayant. Je crois dans le feu. Je regarde les infos pour m'informer de leurs mensonges. Y'a du buzz et ta copine dans les messages. Il me faut pas un massage, il me faut 1 milliard d'euros. Beaucoup de zéros, moi je fais pas le zoo. Je traîne avec les mêmes, je traîne avec les mêmes hommes. La même haine, j'ai plus les mêmes envies. Je sais que j'ai pas fait ça que forme. Je sais que j'ai pas fait ça que forme. Je vais pas lâcher. J'ai pas léché, je m'endors avec mon silencieux. Au cas où ça veut me déranger. La street c'est pas un jeu. Je suis pas rangé, ça fait longtemps que je suis un rageur. Et que je fais face aux rageux. Fais gaffe où tu mets les pieds, ça peut tout mélanger. J'ai un cœur, il est bon, j'ai toujours arrangé. Ça y est, tu te pousses des couilles, t'as bu 2-3 revêts. Je vais trop descendre avec 2-3 revêts. Tu sais qu'on est fort, on est des combattants. Je ramène du positif, c'est pour ça qu'on attend. Je traîne pas à 45 que des vrais sur bateau. Frérot, y'a rien de formidable, faut faire étape par étape. Sois juste avec tes frérots, faut que tu coupes à part égale. Parano reste amical, belle qui a de la critical. Photo a pris une grosse peine, la juge était radicale. Les traits faut éradiquer, ça parle mais faut pratiquer. Sois dur, faut pas que tu perds personne. va t'indiquer. C'est ton ami d'enfance qui donnera ton adresse. Il la met dans les poussées, main dans la presse. Et pour la guerre, il faut du cardio. On aime le risque, on n'est pas cardiaque. Les fils de j'dors chez Adios. J'fais les choses trop poteau, j'suis mal. Ils font les voyants, ça va péguer. C'est des jaloux, j'suis fini, j'les ai rêvés. On va partir, on fait des efforts. J'ai fait des erreurs, mais ça m'a rendu plus fort. Chez nous, ça parle de s'attacher. Que quand j'démarre l'auto, j'suis là, il parle donc absent. J'sais ce qui se passe dans le jeu. En fait, il me faut des litres d'eau. Ou bien la neige de montagne. Où j'ai déjà blalé l'eau. Mais j'aime me comporter comme un mec en apport. La maison, les stores, là y'a plus de live. Codine, codine, je mets pas de peur. J'catch en fly, t'as pas l'air. Et je fly, fly. J'catch en l'air dans la boîte. Et puis bye bye. Zombie, c'est un diamant. Je suis vert, je fume la violette. La fumée fait partie de moi. Intoxiqué jusqu'au matin. Ouais, j'ai vu des gens. Je fume la violette, moi j'ai vu les gens. Ah, je me tais. À terre, tu crames entre les mains et trône sur le cœur. Mon ancien est dans la story. Comme s'il y avait aucune story. Mais y'a plus de place pour les stories. Bébé, car mon cœur est chromé. Comme le métal que j'ai dans la paume. Je ne parle que de ce que je connais. Je ne parle que de ce que je connais. Tout ce que je connais. Ce que je connais. Même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en hess. Yeah, yeah. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Si j'ai un fils, je lui dirais tout faire sauf d'être rappeur. J'perds le démat, j'ai le tracker. Porte de la chapelle, je vois les crackers. En double appel, j'ai le comptable. J'entends le flic, je réponds pas. Wesh, je suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. Wesh, sur mon marque comme Aznavour. On pense pas ce qu'on dit pendant la guerre. Et encore moins ce qu'on dit pendant l'amour. J'ai grandi là où les chiens ont peur des rats. Là où les chrétiens, genre Allah. J'espère que le ciel nous pardonnera. J'suis pas l'aîné de la famille, mais celui qu'on appelle quand y'a Heja. Quand j'vais mal, j'écoute du cœur. Quand j'vais bien, j'écoute du cœur. J'te parle de ce que je connais. Tout ce que je connais. Hey, big step, pour que tout s'arrête, faudrait que Dieu m'arrête. Et depuis le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête, fuck tous ces fils de pute et ceux qui roulent avec eux. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. Belle que ces bitches elles veulent te consommer. J'te merci de chacun pour le risque, oh non, non. J'ai pris cette blague, sale. J'te veux seulement quand je dis la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel, en me demandant si quelqu'un m'entendait. En vrai, c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence, avec un joint de bœuf, j'ai appris à la romance. À 200 dans ma tête, pistole dans ma chambre. Ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité. Béo, béo, c'est une réalité. Pas de bénéfices, donc j'ai soupçonné. Belle que c'est bitch, elle va te consommer. Je te remercie de chaque enfant, le risque, oh non. Mignon, d'or, c'est jamais simple. Je veux le monde, je veux pas me restreindre. Ces fils de pute essayent de m'éteindre. De la cocaïne entre ses pinces. De la jalousie, les embête. Cela a la gueule trop, j'en craigne. Vraiment, un fils se cache, me rend paix. Ils nous détestent, ma zeb en peste. Je les baisse, ils voient pas à l'antenne. Salope, tu m'appelles, c'est pas la peine. Des idées mauvaises qui me trottent dans la tête. Salope, tu m'as trahi, je me rappelle. Pour faire de l'oseille qu'avec ta schneck. J'avoue que je me suis un peu détaché. Bitch, un traco en cas où ça pète. J'entre à la house, le polo taché. Plusieurs pétasses dans la chambre. Ma vie a traqué l'argent. AR-15, négro, pas de chance. On place une dans toute la France. J'fais du mal, mais bon, changer, j'essaie. J'ai ce métal sur moi qui t'effraie. Je la soulève dans tous les sens. Un peu de montagne, je dépense. Plusieurs pétasses dans la chambre. Ma vie a traqué l'argent. AR-15, négro, pas de chance. On place une dans toute la France. J'fais du mal, mais bon, changer, j'essaie. J'ai ce métal sur moi qui t'effraie. Je la soulève dans tous les sens. Allez, ça évite les bêtises. On veut des mal. palais, piloter avec les manettes, passer les vitesses aux palettes. Je donne vrai, j'aime pas le pareil. Je préfère un mec qui se lève tous les matins pour lever des palettes qu'un autre qui fait la mala pour des meufs qu'au final va pas ouais. Je fais ma joie avec ma canette, un jour je serai plus dans les temps. Quand je serai vieux fou avec des années de fumée dans les dents. En attendant, je rentabilise et je fais rentrer pour le clan. Tant qu'il y a pas la guinée guinée, gros, tu me verras dans l'écran. Je veux pas laisser de place au doute, je taffe tout le temps comme ça, je peux pas pélo. Je viens du 9-2 chez nous, on dit mon ho, on s'appelle Papelo. J'évite les fils de temps et les pookies qui traînent. Après minuit, y'a que les soucis qui viennent. Tes futurs ennemis sont parmi tes amis. Tu le captes avec les années et ça évite les peines. On fait comme si tout allait bien, on grandit comme son Valérien. Je veux avoir la vue sur Paris, habiter au Mont Valérien. On veut croquer dans les gâteaux tous les étés, faire du bateau. Saint-Tropez, Cannes ou Monaco pour la dame. Faut des cadeaux, faut des murs, faut de la sécu. Des épreuves, on en a vécu. Maintenant, va falloir qu'on déguste. Des fois, je me vois à la télé, ma famille, je veux pas la peine. Mais putain, comment c'est payé, mais putain, comment c'est stylé. Je fais des concerts tous les week-ends, j'ai que croiser des gens qui m'aiment. Polak, pas éminé, même si le flou est criminel. Je faisais des TP au garage, nous on laisse faire à l'arrache. Tous les jours, je suis dans les parages de ma prod, je fais internet. Je peux pas laisser de place au doute, je taffe tout le temps comme ça, je peux pas payer. Je viens du 9 de chez nous, on dit mon pro, on s'appelle pas payer. Hello, hello, hello, hello, j'suis devant la lake house. J'suis devant la maison, y'a des keufs à la maison. J'appelle pour la même raison. C'est ta saison, mon frère, c'est ma saison. J'en fais quoi de la gargaison? Faut qu'on la bouge, frère. T'es mal comme un, je la touche, frère. En ce moment, ça coûte cher. Je t'ai parlé pas de celle-ci. D'ailleurs, j'ai croisé le shooter du bloc qui te remercie. Rien à la spéciale, j'ai mon spécial. En situation spéciale. Tu connais, je t'ai dit. Je t'ai dit. J'suis ready. Ça tombe bien en ce moment, c'est Hami. De quoi tu parles? C'est de quoi je parle. Je vois des frères dans les traits, c'est la montagne. J'fais comme si de la nette j'ai la montagne. Un comité d'accueil est sous le lit. Air tag, j'ai collé sur leur caisse. J'ai craqué le bigo, j'ai vu sur la way. La moula en priorité magique. Ce que craft, dans le fantôme. Cheese, apparatif. Oui, c'est juste les préparatifs. C'est déjà anéanti. Ce que craft, dans le fantôme. Cheese, apparatif. Oui, c'est juste les préparatifs. C'est déjà anéanti. J'ai des problèmes qui deviennent des problèmes importants. J'ai besoin du big house. Enlève des billets de sang qui se détachent de sang. Dans la safe house. J'ai cassé les côtes, t'as juste cassé les. J'ai boyé après, j'me suis massé les. Y'avait du brouillard donc j'ai accéléré. C'est pas maman qui a payé mon ACG. Pas très débrouillard, j'étais plutôt trouillard. T'as pas le choix d'avancer si t'es dans le brouillard. J'suis béton puis mes démons je les ébouillard. Père vrai soulard, enfant t'as un vrai trouillard. Désolé j'suis pas solaire, décarré sur les molaires. Mon gros pif fait se casser de mon visage. J'fais de la musique à mon image, mets des polaires pour zébron sur ton rivage. Coutu de monter le casier quand il reste statique. J'pouvais je remontrer le passé. Je vois triste platine, j'ma journée dans triste cabine. T'as pas mis dans un petit classé. Yes, chaque jour j'me revois à la baisse. J'tiens à personne à part à ma veste. Y'avait personne mais j'ai toujours la sensation d'avoir quelqu'un qui colle à moi. J'ai dit les autres et j'ai failli m'y perdre. Dans le miroir je me regarde dans la merde. Je suis le bouc à l'envers dans les rapides qui pégaient. Je crois que mes rêves qui s'effacent dans la terre. Si tu le veux t'as juste à mettre. Tu veux me casser t'as juste à mettre. La vipère n'a plus qu'à mettre. J't'ai bloqué tu peux plus m'appeler. Même si je voulais tirer j'aurais pas visé. Je suis pas malin, agir avant d'aviser. Les types les plus cistrins. C'est souvent ceux qui vendent sur les racisés. C'est fou, je suis raciste et vous kiffez-vous. C'est cliché. Je voulais être le gamin stylé qui disait rien, qui sait tout. J'suis niqué. J'te gagne avec Brandon et directement elle donne son dos. Crois pas, je déconne. Quand j'dis ma baby, c'est trop ma cam. J'étais dans la galère, maintenant c'est moi qui passe à la radio. Elle s'intéresse tout à moi, en DM, même disque qu'elle veut le gilet. Elle m'appelle baby, mon coco. Elle veut que j'fasse son dos. Tout j't'ai mis de côté, oh nono. La nuit j'fais plus dodo. Elle m'appelle baby, mon coco. J't'ai mis de côté, oh non non. La nuit j'fais plus d'eau. Comme la terre, comme le soleil, je tourne autour. Si tu ramènes pas les sous que je réclame depuis. Ils m'ont acclamé, mon type j'en fous de taille. J'ai dit attendez encore, c'est que le début. Et y'a rien qui tombe du ciel. On a plus vu la pluie que le beau temps. On a plus vu le sable que les montagnes. On a plus vu le quartier qu'avenue montagne. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais non non non non. J'avoue j'veux pas la fête. Moi non non non non. Elle m'appelle baby, mon coco. Façon de tout, j't'ai mis de côté. Oh non, non, la nuit j'fais plus d'odo. Elle m'appelle baby, mon coco. Elle veut que j'fasse en tout, j't'ai mis de côté. Oh non, non, la nuit j'fais plus d'odo. Détailler des kilos de bœuf, détailler des kilos de C. Pour nous c'est la même, de l'OPJ au bas que. En passant par l'îlotier, va niquer ta mère. On éteint avec le feu, on allume avec le fer. Pour nous c'est la même, de l'OPJ au bas que. En passant par l'îlotier, va niquer ta mère. Des deux venaient, si je voulais Tony Montana. Je les ai vus naître, j'étais déjà dans ma marijuana. Je connais un mépris d'être, toi et ouvrant, je suis sous cana. J'ai de la zippée de couleur à la Montana. Gros pilon de Ketama. Je vais dire ce que j'ai à faire, y'a 2-3 kilos à 4. faut des louvres et des livres sterling. Faire péter, je peux plus me permettre. Quand je les vois, je cours comme Raheem Sterling. Je suis cramé dans périmètre, y'a 600 chevaux dans la berline. 22 pouces de diamètre, on commence boulot et on le termine. J'ai deux silences comme John Wick. Détailler des kilos de bœufs, détailler des kilos de C. Pour nous, c'est la même. De l'OPJ au bas que, en passant par l'îlotier, va niquer ta mère. On éteint avec le feu, on allume avec le fer. Pour nous, c'est la même. De l'OPJ au bas que, en passant par l'îlotier, va niquer ta mère. T'en connais un qui fait ça. Des meufs comme Amber t'en trouvent nulle part, c'est elle qui tombe dessus. Toi je ne sais pas mais t'es franchement pas. Je t'appelle Amber ou en ou bien mon cœur ou je ne sais plus. Aucune émotion, trop de chagrin enchaîné. Je cache mes émotions, c'est vu comme faible chez nous. J'ai une babe, c'est une bombe, chante d'alipé. Pas de bombe, chante d'alipé. Je préfère voir mes habits plein de sang. Mes amis plein de sang. Ouais, t'as mis ta babe sur le tech-tech et tout est hallucinant. Moi je l'appelle Amber, mais son blast c'est un. Je voulais me la ken depuis le collège, mais j'étais trop un con. C'est la frappe à Jason, remets ça. C'est la frappe à Jason, remets ça. C'est la frappe à Jason, remets ça. Dans ma fosse de ma life, m'envoie des messages. En fonction des gens qui changent de visage, qui sont métissages, j'attrape son tissage. Dégoûté par une chaîne de vie, je consomme le médicament du début. Aveuglé par ton bénéfice, pendant que moi je pense déjà à le doubler. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est pas comme la pluie. Je m'applique comme si je développais une appli. L'instru, je la phrase, je la reprends, je la replie. Grosse somme, full somme, Bernard Tapie. Leur macro est de retour, les putes et les fils de pute s'inquiètent. Marge la grise, couleur d'un kerk. Mamadou foncé veut faire de l'oseille comme Julien Clerc. Et même sous Kali, j'y vois clair. Ce qu'on devait ça, mais pour lui, je n'aurais que un clair. Je suis né, j'étais prêt pour la guerre. Ne tends pas la main trop par où, je suis toujours aux aguets. Trop vite, je sais même plus la guerre. On se montre cité comme des canons cité. Génération trop baisée pour s'exciter. Je suis déjà qualifié, j'y vois pas de nécessité. La street ou le peur, je me suis pas encore décidé. Ils m'ont tellement de faux, je fais qu'en rigoler. Ils sont tous pris à la gorge comme Violet. On a comme de la crème comme un riolet. Ça détruit que des vins comme Vignolet. Écoutez mes profs, poto la vie d'SDM c'était pas ça. A écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Mais leur rêve s'est arrêté, maintenant je fais des ronds, j'tacle leur salaire dans de la poussa. Je les baisse, demande aux autres faire du le sage, les fake. Devant l'OPJ que j'ai nié les faits. J'ai dit au ciel tout ce que je veux, l'as de billets, je voulais toucher. C'est où le bonheur, moi-même à pied, j'y vais. Bonheur, richesse, je veux tout. Je me suis couché tard, le veto. Chaîne la cache, je suis intraitable, j'ai le veto. Quand t'es, je laisse pas de traces sur le méton. Poto, t'en trouves pas quand tu dois détailler. Ya, ya, ya. Des fois, je suis grave indécis. J'avais pas tard dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené dans son. J'ai grave avancé, mais à la rue, je suis grave attaché. Maintenant, c'est moi le grand qui vous flume, c'est jeune à bosser. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en était, moi j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés, c'est des nœuds. Je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la strip auto, personne m'a parrainé. SDM sur moi 8. J'suis tout le temps où j'suis dans la suite. J'peux tout expliquer sur un hit. J'peux tout expliquer sur un hit. SDM sur moi 8. J'te dis que j'peux tout expliquer sur un hit. J'peux tout expliquer sur un hit. Elle est sur, je ne suis qu'un hit. Dans la thèse, il faut deux places. J'vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses. J'pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre. La petite elle veut deux gosses. Et que je sois le père, la meilleure défense c'est l'attaque. La contre-attaque, clac, clac, clac. Motorsport, autobahn, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque, clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. Provenzano, Genovese, John Gucci. Je fais les boutiques, je prends que du noir comme un gothique. Hey, j'ai un 44 pour la tchouch, mon vieux, j'ai dû faire pour les miochich. Hey, chiche, pas chiche, j'ai des rêves sur 10 piges. Ok. R1 RR, Bangal et GSXR. J'mets la caisse en équerre. Mesure elle suspecte, t'as lâché dans le vestiaire. Et RAVR, là il me faut un hélicoptère. Plata dans l'ADN, gardien la dégaine. cellule iPhone X. Comme Ramesse et Chef Pils, la petite veleur, je remonte la manche. Je l'avais jamais vu des clips. J'ai mis la charrue devant les pelles. Et du coup, j'ai numéroté. Scrooge attend le 4-4. J'fais de mieux pour devant les pelles. C'est pas du tout un gars solide. Sont tous en tonique. Ici, nous obsolètes. Comme aux US sur les smokes. Y'a que quand son cas vu bouche que j'perds contrôle, ok. Perdez la vie pour les followers. Là, tous mes démons sont de mèche. PSP ne suit jamais nos lèches. Avec des sions, on refait le monde. Avec un tel, j'ai refait ma poche. J'allume la merde de celui qui s'approche. J'ai pas mon chlasse, il mangera des pêches. J'me fais ses courses dans le 6 après une transac à Saint-Placide. J'écoute l'ancien donner des conseils. J'la règle sur lui, il est mal placé. Il reste du sang sur mes TN. J'appelle du Pakistan sous VPN. J'les regarde bander sur ma personne. Ils me regardent monter, ils sont remplis de haine. K-E-R-C-H, A-K, Gazo Favé. Y'a ses pestes dans le cul. Ta meuf, JG Char comme son t'as vu. C'est bon de Saint-Ouen là, dans la tête. Ils sont morts, ils sont dead, ils sont morts, ils sont dead. Mozart, Capitaine Jackson, Dave. Nos lèches, elle me paie pour moi, je la lèche. J'suis en poids lourd, t'es tout lèche. Ils sont tous morts, everything dead. Son booty chèque, bouge grave. On va les roster, c'est pas grave. C'est des fake niggas, pas des braves. Ils vont nous donner si ça se trouve. Tu vas morfler si je te trouve. Je transforme en passoire quand je te trouve. Force, force au frère, au trou. On retrouve ton cadavre dans un coup. J'suis au feu de sa poussi, poussi, poussi, poussi. J'fais de la natation, j'distribue les. On est dans un pincement, ma vie doit me sans même pas un pincement. On est sale de ton salon, et t'entends même pas un grincement. On a mis dans un pincement, ma vie doit me sans même pas un pincement. On est sale de ton salon, et t'entends même pas un grincement. T'entends même pas le sol qui craque, t'entends même pas le sol qui craque. T'entends même pas nos cœurs qui battent, t'entends même pas nos. T'entends même pas le sol qui craque, t'entends même pas le sol qui craque. T'entends même pas nos cœurs qui battent, t'entends même pas nos. J'ai le seum, un enfant est parti avant sa mère, j'ai le seum. Et ce soir je dors dans un sourfuit, t'es l'un des seums fit je suis seul. Ça va tomber, faut rentrer avant qu'il pleuve. Faut pas compter sur eux, ni quand ils pleuvent. Faut que tu marches dans les pas de papa. Faut que tu gardes tes jours sur la lumière, je me rapproche du soleil. J'ai crevé ta sabre calciné, bancaille. Les 5 anneaux tatia, affiliation LDF, je suis pas dans ta team, tu parles à qui? Mais tu parles à qui? Leur vérité baisse, amène te laisse au sol, je te mets la pression. Comme Ito fugit ton rat, même dans la vie, tu sens l'aura. Je cultive mon art. Un jour arrivera mon air, c'est moi la faucheuse. Quand est-ce qu'arrivera mon heure? Torfine. La renaissance à chaque apparition, je laisse des courses en vie. T'as vu ma prime, ça parle de moi dans plus en ville. Je suis des esclaves pour libérer des âmes. La distance a grandi lorsque tu me réclames. J'avance vers ma destination, passe au à la main, tableau blanc sur ma route. Je peins les plus belles épreuves de ma vie. Sur mes bonnes actions, je navigue. Veulent quitter l'enfer, mais s'ils sont arrêtés, leur rêve de redevenir des gosses. Attendre les 60 piges pour se faire allaiter. Ils préfèrent geler l'hiver pour bronzer l'été. Le savoir se cache dans l'ombre du désir. Ferme-toi lorsque tu décides. Forgé par Vulcain, c'est dans une forteresse que mon esprit réside. D'ailleurs, G, sourire sur l'échafaud. Sur la map, j'évite les chauffeurs. De la cage, tu veux t'échapper, il te faudra saisir les armes du chasseur. Sur le dos d'un dragon, j'aimerais planer au-dessus d'eux comme des Targaryens. Ma vie est vouée à l'abondance, pourtant aujourd'hui tu me perçois comme un gars qui a rien. Je sème des graines partout comme des acariens. Sur la voie ne te sert à rien. Chaque son, c'est un missile prédateur. Ah, mais c'est pas les gars aériens. Me rapproche de la ça fume, la frappe, t'es un adore. C'est RS plutôt sportif quand on sort. Dis-moi ce qui t'intéresse, Miyama. T'achètes tous mes pas un cœur en or. Ça fume, la frappe t'en adore. C'est RS plutôt sportif quand on sort. Dis-moi ce qui t'intéresse, mis à mort. T'achètes tous mes pas un cœur en or. C'est carré le S, j'suis dans Carrera S. Quand je paye en espèces, c'est ça que j'en ai pris 6. On verra plus, garde la pêche. J'ai recompté la quiche. Et il manquait un verre, pas. Bon, mais tu m'as rien dit. J'porte comme mes avocats. Un peu comme Montana. Cigare à banane. Y'a 20 000 dans la banane. Et comme y'a 20K dans la banane, j'dois esquiver la douane. C'est noir sur Gotham, c'est mieux que t'enlèves ta locale. T'as un peu de champagne dans la flûte, j'ai mis 2 points pour la suite. On m'avait prédit la chute, mais entre temps j'ai fait des hits. T'es max à copipi, j'repars avec la go. Elle fait des chichis, elle veut descendre du merco. J'm'en fais mal à cheesy, trop de boulettes sur le dur. Baby, j'suis un peu trop fusil pour t'en donner encore. Pour le has, c'est pour la pop, le has. putain de flow collage, ma queue, trouve-toi ton propre bail. Même quand c'est carré, je suis armé, tout le monde porte son propre diable. Bébé, t'aurais mis des sous-vêtements si tu voulais vraiment qu'on parle. Suite de tes lots, je suis à la fenêtre, je tiens la langue, je fais nom de la tête. Le joint est prend feu, j'ai mis trop de nerfs. Charbonné, tu faisais la fête. T'as crié partout, t'as les nouvelles. Ouais, j'avais même juré la mec. Chargé, crée, c'est tout ce qu'il faut. Je l'ai pas acheté pour snapper avec. On rentre ta boulette en là-bas. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirez pas en plus pour les frérots. T'es votre pas streamer quand on sera tête. Quand on sera tête. On rentre ta boulette en là-bas. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirez pas en plus pour les frérots. T'es votre pas streamer quand on sera tête. Quand on sera tête. Le couteau fait la taille de Isaac qui fait la taille de marge. Si les deux sorties, je te démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque transaction. Ça me remercie pour la démarche. Je rentre dans la tête comme un chat. Je guette la victime, je la chope. Son téléphone part dans la journée. Donc ce soir, je vais faire des achats. Mon son, plus la rue, elle la drogue. Et mes ventons, dirait la porte. C'est moi qui la tue, c'est ta pute. C'est moi qui la tue pendant qu'elle a fait la morte. Maintenant, je sais pas où t'étais, what. Quand ça vendait la coke, la wax. Ça peut plus l'en bâcher, what. Les gars, fais prendre la porte. Je te dis de ramener mon argent. Cette fois, je te dis de ramener mes sous. La prochaine fois que mes gars descendent, préviens tes proches, y'aura des décès. Je suis venu, j'ai vu, je suis venu, j'ai pris, je suis venu, j'ai tout mangé, même le dessert. On arrive dans leur tête, c'est désert. Je crois que je vais faire pleurer sa sœur. T'as ramené le mili, t'as ramené l'arguilé, t'as ramené le kill. Bien vu, on avait la zipette, on avait le boudoum dans la Clio, ils ont rien vu. On avait la MD dans la Mercedes, ils ont rien vu non plus. Laisse nous faire, laisse la guerre, c'est pas tout. Les basses à fond, même fond qui fait la mélodie. T'as voulu me prendre pour un con, j't'avais rodave, mais j'te l'avais pas dit. Sur qui comptait, j'ai plus des fois, y'en a des dizaines. Il m'arrive que des galères en ce moment, l'impression que j'suis maudit. Bad bitch, voudrait qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps. Trop de choses qui passent avant, toi déjà, faudrait qu'on s'en sorte. Bad bitch, voudrait qu'on s'accorde, que je m'occupe de son corps. Trop de choses qui passent avant, toi déjà, faudrait qu'on s'en sorte. Les crocs, je veux manger, c'est mort, j'recule pas devant le danger. Je me pète le bitch, fais du gratte et mon refrain, direct moi je te donne congé. Studio, je règle pour survivre, donc toi viens même pas me parler congé. Fuck un Schmidt, fuck un keuf qui réveille ma daronne, gros fuck les condés. Je veux du roro, pas de bénévolat sur Paris, y'a des sous à faire. Un moment que je suis prêt pour le décollage, bosse à fond, faut pas que je me perde. Y'a des moments, y'a moins d'envie. Par moment je me ressens moins vivre. J'ai tellement gratté le fond de mes poches, c'est le vide que j'ai pris comme appui. J'encaisse de balles, je remplis ma sac quand j'ai fini le taf. Et rien qui parle, ils crachent sur mon dos, c'est qu'on sont pas vrais. Elle veut qu'on parte, mais je dois encaisser, reprendre le cash. J'ai pas besoin de toi, si tu veux partir, va je te laisse tailler. Les bosses à fête, n'y est pas si non plus. Toujours été droit, pas de handi. Jamais agi par la lâcheté. J'te donne le plan sans shit, mais j'dois pas récolter un GHB. La manière de voir tourner Bonnie. J'suis moins amoureux quand j'ai craché. Un brouillard épais dans la trachée. Un moustache fera tout ce qu'il a promis. Le ciel était gris, l'organe rocailleux sous le barbe. J'suis l'enfant de man, j'suis l'enfant de Dieu. Je pars dans le feu à la sortie. Les cœurs ont subi, les visages, les crifs. 15 ans que j'suis ivre. J'ai mangé le mur, t'as pas idée. J'ai fini blessé à force de vivre. Ce que j'vis, ce que j'vois, ce que j'fais tous les jours, t'as pas idée. Tu dis que c'est le sangré, en vrai, Dieu l'a pas aidé. J'voulais te parler, t'expliquer, mais tu m'as pas laissé. J'voulais te pardonner, mais des fois, très apparaissé. C'est-tu vraiment gros la vie qu'on a? J'donne toujours mon cœur par bénévolat. Sois sûr, tu paieras. Et arrête de dire que tu me feras. Tout ce qui a de la valeur, c'est fait rare. Pousse le bouchon, là, tu me verras. Harlequin dans la pocket, dé dans la socket, cul sec à la soviette, cœur dans les sommes pocket, j'pars à la conquête, j'rappe à la sauvette, tire-moi vers le haut, bise pas la putette, tout pour les miens, ma seule requête, j'écoute pas la piquette, c'est pas mon blême si les raquettes, je meurs pour raquette, putain de routine, j'suis dans la cuisine, comme Gordon Ramsay, format usine, cousine, tout le monde en consomme, c'est que de la musique, que tu rap français, pieds et poings liés, j'ai rien oublié, j'attends pour briller, tout est quadrillé, courte rhabillée, qu'une dans le barillé, j'ai ça pour briller. Moi j'ai noyé dans la codine, codine, codine, codine, codine. Tu vois la vie en moi j'ai noyé dans la codine. C'est bien d'avoir des connexions mais c'est mieux d'être le plug. Bien sûr si j'te passe c'est juste pour baiser bitch what's seul. J'suis tombé dans la ligne, j'ai ni d'avoir mes 19. Ça tournait dans le nord avec la sacoche pleine de puffs. Baby j'viens du square mais j'ai des frérots sur la place. J'ai des frérots à la tête, mort ceux qui veulent ma place. 2022 Codine 19, codine 19, codine 19. Wow, wow, wow, wow. Ma nouvelle biche, elle a la trentaine. Je lui fais que du sol appartement. Nouveau penthouse, ça dit quoi le sang? Scam, scam, dis-nous ce que tu veux. Toi, parle dans la Rolls Royce. Devant le Nobu, château de Versailles. Codeine, hier codeine, demain codeine. High as fuck, tu peux te prendre une balle si tu connais pas le code. High as fuck, tu vois la vie en moi, je suis noyé dans la code. Entre galères, hein, des hauts, des bas, des va, des viens. Donc, on a foutu ce qu'ils me disaient. Hein. J'ai des certifs par dizaines. J'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est bon. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein, des hauts, des bas, des va, des viens. Man, on a foutu ce qu'ils me disaient. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. Putain, demain c'est bon. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein, des hauts, des bas, des va, des viens. Man, faut de ce qu'ils me disent, j'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs, j'esquive le 17. La caravane passe, les chiens boivent leur grand-mère. Fini les bottes, faut se barrer au grand air. Ici on s'enterre, soit on réussit, soit on finit à Nanterre. On rêve plus, ça fait des années qu'on se moque. Rappelle-toi, c'était de nous qu'on se moque. Et toi, c'est pas nos vacances en snow, mais au quartier, putain de sa mère, on se marre. J'ai plus peur de maman que de la lispo. J'suis en concert, demain j'suis pas dispo. En tes bois devant la boule disco. Avec le micro, j'suis pas là au bispo. Ça pilote en BMW Audi, sur le polo. T'as vu le crocodile, j'vois tout vert, ça fume les brocolis. J'investis comme un monopoly. Putain, mais c'est bon, j'navigue entre le mal et le... Dans le Mercedes, comme un cybercriminel. On passe tous les crash tests. J'allume la mèche, j'suis dans la métaverse. Entouré de solides compagnons. Du fait qu'il sort des canons. L'argent c'est comme un glaçon. Ça se met au frigo ou ça fond. Comme Thomas Shelby, j'remplis le cendrier. En billets en main, j'vais les multiplier. Les MVP, c'est nous le haut du panier. Trouve-toi une raison de vivre ou de crever. On fait plus de blé que le tube de l'été. Plus de la foudre, il faut du miel pour les ours. J'mets quelques grammes de caviar sur mon pouce. Mes disques d'or, je sais plus où les foutre. Jolie silhouette pour m'accompagner. Y'a que du regard, tu peux la déshabiller. Les cicatrices sur mon crâne, c'est des souvenirs. T'étais dans les bidonvilles d'Alger. J'reçois le nez du juge pour les narguer au tribunal. Je fais le signe de Jules. Tellement sur un champ, peu la clôture. Si tu nous fouilles, fais-le jusqu'à la chaussure. Dans la Mazère, j'mets du Jackson. Je me mélange peu à la population. J'fais un tour de ma mèche sur la roue du diamant. Je ne sors que la nuit, c'est pour conduire à fond. J'rène un bout de métal dans le froc. On a du pain capillé sur la planche. On sort les coltes. Regarde ma tronche. Fais pas de prank, on leur fait les. Fume la toxique comme Britney Spears. T'as cramé toi et tes petites esquives. J'ai pas choisi ma vie. Jamais, jamais stressé, j'suis protégé. Ouais, dans toutes les situations, j'ai mon pistolet. Et ça mal stick. J'suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les gens dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Des armatifs, je dans le film avec les meilleurs actifs. Les chargeurs d'un gilet. Elle est bonne en FaceTime. Le mauvais garçon sort de sa chop pour le mal. Si j'étais vous, je me ferais du tort pour les man. Ils font copier, je donne des chops pour les man. Elle a un bête de boule où y'a que moi que ça choque. Monter la pression et tente l'approche. On a fait beaucoup trop de choses atroces. Si elle bouge très bien son boyau, ça peut vider ma poche. Zani, c'est pas des rappeurs, c'est des animaux moches. Zani, Zani, si y'a hey, j'ajoute un pussy dans le coche. Zani, Zani, descend de par là, c'est Zani dans le bloc. Jamais stressé, je suis protégé, ouais, dans toutes les situations, j'ai mon pistolet. Et ça mal stick, je suis dans le film avec les meilleures actrices. Tous les gens jouent dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Pistolet, et ça mal stick, je suis dans le film avec les meilleures actrices. Les chargeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Pistolet, et ça mal stick, je suis dans le film avec les meilleures actrices. Les chargeurs dans le gilet tactique. Moula, moula, fantastique. Mais par contre, faut pas écouter ce qu'on dit. Yes, est-ce qu'il ment? Mais ce qui n'a ce que je lui mets à la selle dans son minou. Ice en cœur de ice, est-ce qu'il est mort? Mais ce qui n'a ce que je lui mets à la selle dans son minou. Elle mousse sur mon sofa, je couvre avec le plaid. Elle me chante dans la kitchen, pourtant j'ai un bed. Ma mec, j'ai des diamants du blé. À part mon glizzy, y'a personne qui m'aime. À part mon glizzy, y'a personne qui m'aime. J'ai dans le visage une couleur ébène. Encore un nègre, pourquoi mon nègre? Pourquoi mon piu piu piu bang? Je ne fais que dans le désespoir. Amoroso, amoroso, oh, la vie est noire. Zola or, elle pas de ML. Mes caisses de pute remplies de cocaïne. J'en ai cartonné, le con est parfumé. Font plus de morts qu'Adolf et Staline. Dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle vomisse. Dans sa chatte jusqu'à l'agonie. Je la démarre, je la termine. Je la démarre, je l'extermine. Doucement, faudrait pas que je m'incrimine. Beaucoup de boucan, beaucoup de querelles. Ces forts rappeurs n'ont plus de flow. Donc ils investissent dans la gestuelle. Nègre au fichier dans le nègre au fichier dans la. Drogue la lune, c'est ce qu'ils attendent de mon pot de mélanine. Nouveau Nesby, j'investis dans le jean. Moula, moula blanche dans les narines. Ouais. triste vie et sombre enfance. Ta mère la pute aurait dû faire une fausse couche pour nous épargner ton existence. Chaque journée l'ange du dragon. En foule détente dans un lagon. Tous les petits d'Adès ils sont sous ballon. J'préfère drink des mojitos au citron. Crois pas le rap c'est énergivore. Faut bétonner le jour et la night. Un APS et Khalifa Corse. C'est pas un charbon qui vend du light. Tout le monde veut produire la pépite. Faire 54 dans le bloc. Ça roule des pétous à l'avance. C'est ça le fruit de mon époque. J'mange du caviar avec les mains. C'est ça le fruit de mon époque. Et ouais ma vie c'est un film. C'est ça le fruit de mon époque. Tout le monde veut produire la pépite. Faire 54 dans le bloc. Ça roule des pétous à l'avance. C'est ça le fruit de mon époque. J'mange du caviar avec les mains. C'est ça le fruit de mon époque. Et ouais ma vie c'est un film. C'est ça le fruit de mon époque. Assez c'est l'élec, la Jacobento. Première classe, j'suis plus en écho. Terrasse du bord, j'mange à l'unico. Ça quitte devant le retour, l'hélico. RSICZ, tu en full rivoche. Et nous faut des mini à gauche. Des gens d'un mini seul en Porsche. Que ça cherche pas peu à la lance de Porsche. De l'intérieur, ça me détruit. Tellement que j'arrive plus à pleurer. Boule un peu au-dessus de la ceinture. Crois-moi, c'est pas pour y pleurer. Non, non. Jusqu'à ce que j'ai plus mal. Je me resserre et je bois. Mes sentiments, je noie. Ligne dans ma baignoire. Cloque sous mon peignoir. Fonce des mais je me roule un joint. J'suis loin, loin. Aujourd'hui, elle se rappelle de moi. De moi, moi. Laissez des fleurs ou des balles. Du rouge pour la médaille. Vivons comme Bonnie and Clyde. Avant que la mort nous sépare, des ennemis on s'épargne. Chargez mon cœur et le flingue. J'ai récupéré, je fly, et j'y vois flou au volant. Perdu du temps et de l'argent, on devient fou et violent. Bienvenue dans la violence. Tic-tac, millions d'euros, tic-tac. Diamant, Rolex, tic-tac. Charbon, tu ferais tic-tac. Elle veut qu'on se capte, car elle aime pas que je dis, je te rappelle. Tu me demandes ce que j'ai eu, c'est la rue qui m'a laissé, c'est ses guêpes. C'est qu'une histoire de trop. J'suis pas là, chaque elle veut des. J'fais des balles, j'fais pas le malin. J'ai son cœur dans la mano. J'fais le trajet, j'coute faire taire les jaloux. Trop de projets, pour elle ça vise les genoux. J'suis pas là, chaque elle veut des câlins. J'fais des balles, j'fais pas le malin. J'ai son cœur dans la mano. J'fais le trajet, j'coute faire taire les jaloux. Trop de projets, pour elle ça vise les genoux. J'fais la journée en bas de chez moi. 5 étoiles ce soir j'vais réserver. Pour un sapin de chez nous. Dès le matin j'suis énervé. Ça fait nettoyer le bas de chez moi. Y'a tellement de choses qu'on doit préserver. J'les ai menacés gentiment. Ça a calmé les plus nerveux. Dernier j'me rends malade. Mais j'tiens toujours les manettes. Y'a du béton de la zélande. J'vis dans un monde pas net. Dernier j'me rends malade. S'il te plaît fais pas le balèze. Pour monter j'fais de l'escalade. Tu veux que j'aide de la volée. J'arrive au repas. Tu vas nulle part, ce soir tu restes avec moi, avec moi, même si t'as pas de sous. Believe me, Agachou n'écoute pas ses cons, ils connaissent pas la vie. Des fois je redeviens moi, des fois j'ai pas envie. Ah, tout le monde entend de la vie, prends tes jambes à ton cou si tu veux mon avis. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire une gamine. Baby, what you mean? Elle avale ça comme si c'est la famille. Et je la gueule les poucaves, ils sont pas dans la team. Prends tes couilles et ton envoi, PD, je suis pas ton père, je suis pas ton bénévole. Tu fais dépouiller, même si tu mets l'antibol et tes pubs, on les vend ou on les vole. Wagwan, t'as pas de moula pour faire style. No flexing, no sexing. J'ai deux trois contacts dans le textile. T'as deux fois ma lame dans le Texas. T'es rabat, tu casses la lotte. Fais le dealer, t'as même pas de bloc. J'plonge, pull-up et j'casse la prod. J'ai mon opinel, ma drogue, ma zone. T'es rabat, tu casses la lotte. Fais le dealer, t'as même pas de bloc. J'plonge, pull-up et j'casse la prod. J'ai mon opinel, ma drogue, ma drogue. Mon opinel, ma drogue, ma drogue. Mon opinel, ma drogue, ma drogue. Mon opinel, ma drogue, ma drogue. Mon opinel, ma drogue, ma drogue. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, Archem, y'a rien d'officiel. J'mets la gasolina dans la vitelle. Avec la Volvo, je la vois en mon vilaine. J'ai des plans dans ma tête, j'élabore. Avec 310 rue du monte à bord. Y'a que les gros montants qui me donnent la barre. On se fait lever à 8h dans la barre. Doucement, doucement, doucement. Pourquoi mon ref a retourné sa veste? Au quartier, les jaloux, on est vesquis. J'ai S, 1250 la béquille. Tu prends le penalty avec des tracks. Dans nos narines, on ne met pas les trucs. Ils font que les transactions sur fut. Ils font que les transactions sur fut. Refou et fou de la gâchette. 3 fois X, le prix de la cassette. 125, ça nique la bavette. État normal en état divré. J'suis rabat, j'en plus la vitesse. J'ai fait sentir la boîte de vitesse. Falsine à mort, j'diminue le stress. J'suis un raclo qui vient des 3F. Bébé, pourquoi tu m'as à F? T'auras pas le LV ni le Chanel. J'ai confiance en moi, pas en toi. Donc j'fais belle et calamagnana. S'après-midi. médite comme un Atlanta. Tout est final, ça va s'arroser. Tu fais l'over, abat tes souris. Vicaire, fous ma gueule. Belle Tivo vaut trois fois fil crème. Demande ce que je fais dans la vie. Charbon moula, ça va vite. Belle Tivo vaut trois fois fil crème. Demande ce que je fais dans la vie. Charbon moula, ça va vite. C'est mon acolyte, pas bien en bolide. Plus pour moi, donc elle fait comme ma mère. Comme la confiance soit ma complice, vrai complice. Et je compterai pas ce que je dépense. Dehors c'est chaud ma belle, dehors c'est chaud ma belle. Ça fait la puce, j'ai quelques refs en Valka à ma belle. Donne-moi un million sur la vie de ma mère que je rate pas l'essai. Un peu trop mignon, j'ai fini par acheter ce que t'as rêvé. Plein d'enfants, plein d'SVR, plein d'enfants, plein d'SVR, plein de féfés. J'fais le plein, j'embarque madame avant la serre. Et l'ennemi des hommes et des femmes un peu trop complexés. Dans ta main, mon corazon, le cardiologue est vexé. Dis-moi qui te peut, dis-moi qui tu n'as pas matrixé. Allons nous éclipser. Oh. Et j'hésite entre la relie, la MJ, quelques cas. Pour moi parce que mon bébé dort, c'est j'ai quelques couilles. On doit se rebailler, de nos vies on doit se bannir. Mais c'est trop tard sur ton cœur, y'a mon blaze en Italie. Baby baby un peu parano. Elle dit que c'est la fin, que cette fois-ci elle reviendra plus jamais. J'suis beau qu'à dire que c'est pas de ma faute. Faire gonfler le compte bancaire, coffrer tout ça, visiter toute la terre. C'est mon acolyte, habillé en bolide. Plus pour moi donc elle fait comme un.